Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler de la Pologne qui prend la tête de la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Effectivement, Adam, car chaque pays prend à tour de rôle la présidence. Tout à fait, chaque pays de l'Union Européenne préside à tour de rôle le Conseil de l'Union Européenne pour une période de 6 mois. Après la Hongrie, qui a assumé cette fonction de juillet à décembre 2024, c'est désormais la Pologne qui assure la présidence tournante de l'institution depuis le 1er janvier et jusqu'au 30 juin 2025. Pour rappel, à quoi sert le Conseil de l'Union Européenne ? Alors, avec le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne est notamment chargé d'amender et d'adopter les lois proposées par la Commission européenne, donc l'équivalent du gouvernement européen. Pour cela, le Conseil de l'Union européenne réunit les ministres des États membres par domaine de compétence en 10 formations politiques, environnement, agriculture et pêche, affaires économiques et financières. En fait, tout dépend de la loi qui est proposée par la Commission. Si c'est une loi sur l'agriculture, alors ce sera les ministres de l'agriculture des différents pays qui se réuniront. D'accord, alors quelles sont les missions de la présidence tournante ? Alors, lorsqu'un État assure la présidence du Conseil, il est chargé d'organiser et de présider l'ensemble des réunions du Conseil de l'Union européenne. Il peut donc choisir quoi mettre à l'ordre du jour. Par exemple, c'est son ministre aussi de l'Environnement qui préside le Conseil de l'Environnement, tandis que son ministre de l'Agriculture préside le Conseil de l'Agriculture qui réunit donc les ministres de l'Agriculture des différents pays. Il élabore aussi des compromis susceptibles de résoudre les problèmes politiques entre les gouvernements des 27 États membres. Alors, quel est le programme de cette présidence polonaise ? La Pologne a annoncé un programme ambitieux avec pour objectif principal d'implémenter les priorités autour du thème de la sécurité. Le thème est particulièrement d'actualité alors que l'Europe doit faire face aux conséquences de l'agression russe contre l'Ukraine et à la nécessité de renforcer ses propres capacités de défense. Et ce n'est pas tout. Non, la Pologne qui a une frontière avec l'Ukraine, la Biélorussie et l'exclave russe de Kaliningrad consacrera beaucoup d'énergie au dossier ukrainien qui pourrait prendre une nouvelle dynamique. Merci Adam, on va marquer une toute petite pause avec Nena et ce souvenir Neun und 90 Luftballons et on se retrouve pour la suite de cette chronique. We'll be right back. 20 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. De retour sur Radio Fagette pour l'émission Europe en Air présentée par le Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on parle donc de la Pologne qui prend la tête de la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne. Et dans ce contexte, de nouvelles sanctions veulent être mises en place contre la Russie. Oui, Varsovie alimente depuis des mois le débat autour d'instruments de financement innovants pour la défense, un terme derrière lequel plusieurs États membres envisagent des euro-obligations. Le pays poussera aussi pour l'adoption d'un 16e paquet de sanctions musclées contre la Russie, probablement fin février, pour marquer les 3 ans de l'invasion de l'Ukraine. Ce train pourrait de nouveau viser le secteur des énergies fossiles russes qui remplissent les coffres de Moscou. Enfin, concernant la migration et l'asile, quelles sont les priorités polonaises ? Alors, après qu'elle a voté contre le pacte migratoire adopté par l'Union européenne en avril dernier, Varsovie a obtenu en octobre dernier des 27 de pouvoir suspendre temporairement le droit d'asile pour faire face à ses frontières à l'instrumentalisation des vagues migratoires par la Russie et la Biélorussie. On imagine donc que la Pologne va pousser les travaux concernant les retours des migrants. Oui, le pays fera tout pour lancer au plus vite les travaux autour de la modernisation de la directive retour que la Commission doit proposer au premier semestre de 2025. Objectif du texte, augmenter la proportion des personnes en situation irrégulière dans l'Union qui retournent effectivement dans leur pays d'origine. Alors aujourd'hui, le ratio est d'environ 20%. D'accord. Donc c'est assez peu par rapport à toutes les demandes de retour qui sont émises. Il y a seulement 20% des migrants qui retournent dans leur pays. La Pologne prend donc la présidence à la suite de la Hongrie, qui a eu un mandat plutôt controversé. Tout à fait. Le ton a été donné dès le lancement de sa campagne pour la Hongrie par le slogan « Make Europe Great Again », une formule empruntée à l'ex et futur président américain Donald Trump. Et durant son mandat, le président hongrois Viktor Orban, connu pour sa politique populiste et ses positions anti-immigration, a multiplié les controverses, notamment en effectuant une tournée en Chine et en Russie pour promouvoir sa fameuse mission de paix en Ukraine. Et ce n'est pas tout. Non, le premier ministre hongrois a exaspéré ses collègues à plusieurs reprises ces 6 derniers mois. En juillet, par exemple, Viktor Orban s'est par exemple rendu à Kiev, puis Moscou et Pékin sans mandat européen. Il a rencontré le président russe malgré les positions européennes de soutien total à l'Ukraine et d'isolement de la Russie, donc lui s'est rendu quand même en Russie. Mais en soi, tout cela est à nuancer. Oui, selon Robert Kiss, analyste politique, la présidence du Conseil de l'Union européenne ne présente en soi que peu de risques d'échec. Son rôle consiste à guider les travaux du Conseil et à représenter les 27 dans les négociations avec les autres institutions européennes. Je cite, « Les outils institutionnels dont dispose le pays président sont tels qu'il est impossible de se tromper. Lorsqu'il y a une période pendant laquelle la Hongrie n'assure pas la présidence tournante, les relations entre l'Union européenne et la Hongrie sont assez turbulentes. » Merci Adam pour toutes ces informations. C'était la chronique Europe en Air sur Radio Fagette, présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. À bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. À bientôt.